donc un peu les filles. Allez, marquez ! Ah ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 sur la bande FM. Et oui, RIG, la radio de John A.D. tous les mercredis soirs. Je suis très heureux de vous retrouver après 2 semaines d'absence au sein de la radio RIG. Je peux dire que j'ai même le trac. J'ai un peu le trac de reprendre car je commence déjà à me mêler les pinceaux au niveau des manettes. C'est génial, je m'amuse. Je m'amuse comme un petit fou. Mais ce soir, je suis accompagné de Jean-François Chenu. Bonsoir Jean-François. Salut. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, très très bien. Très heureux d'être dans ton studio, de retrouver tes auditeurs et de passer un moment avec toi. Je suis très heureux également de te retrouver, Jean-François. Et puis tu es là aujourd'hui pour nous parler de ce fameux livre. Le fameux livre Johnny, ses concerts, sa plus belle histoire d'amour, que tu as coécrit, on peut dire, coécrit. Alors, ou participé, collaboré. Que j'ai réalisé avec Michel Leclerc. Une personne dont j'ai fait la connaissance via la collection Hachette. Alors, on s'est jamais vu. Oui. On s'est parlé par téléphone, on s'est parlé en visio. On espère se rencontrer un jour à Paris. Mais j'ai été mis en contact avec lui par une tierce personne. Et Michel a suivi Johnny à peu près la même époque que moi, et sa passion c'était la photo. Et il a photographié Johnny sur scène. Et il disposait d'un matériel incroyable de plus de 300 photos qui n'avaient jamais été exposées. Et quand il m'a montré quelques-unes de ces photos, je lui ai dit, écoute, ce serait quand même dommage que ça reste comme ça, confiné à tes armoires. Oui. Ça serait bien qu'on fasse, si tu veux, qu'on essaie de faire un livre ensemble. Je te propose de faire le texte. Je m'occupe de trouver un éditeur et tout. Et puis, on va mettre en avant tes photos. Et donc, l'idée de ce livre, elle est née de cette rencontre. Et c'est vraiment, d'abord et avant tout, un livre, j'espère, réussi, un beau livre de photos. Des photos inédites. Il y en a plus de 150 qui sont inédites. De live, des photos de concerts qui racontent une histoire, et cette histoire, et j'ai vraiment voulu ça, je l'ai appelée sa plus belle histoire d'amour, parce que je pense que la plus belle histoire d'amour de Johnny, c'est celle qui l'a unie à son public pendant 60 ans. Et sur scène, il s'est toujours renouvelé, surpassé, il a toujours cherché à proposer des choses extraordinaires. Et toujours pour son public. Pour son public. Et il travaillait en studio pour son public et tout. Et c'est le fil conducteur du projet, qui démarre en fait en 1969, parce que c'est là où on le voit tous les deux d'ailleurs pour la première fois. Lui, il le photographie, moi je le vois aussi sur scène. Et c'est surtout aussi le premier concert où Johnny casse complètement les codes du showbiz. Enfin, il a fait une petite répétition en 67 au Palais des Sports un soir, mais là, il va quitter définitivement, enfin pour un long moment, boulevard des Capucines, l'Olympia, pour aller s'installer dans un nouveau salon qui sera le Palais des Sports, qui à l'époque paraissait énorme, parce que le Palais des Sports c'était 4500 places, l'Olympia c'était 2000, et c'était la plus grande salle de Paris, le Palais des Sports, dans ces années-là. Et prendre le pari d'aller chanter dans cette salle qui était plutôt réservée aux matchs de boxe, et de le faire pendant 15 jours, c'était déjà un sacré pari. Et ça a été un pari gagnant, bien sûr, mais qui a été déterminant pour la suite de la carrière de Johnny. Et bien sûr. Donc ton livre a été édité chez Grund. Chez Grund, absolument. Il est sorti le 21 octobre. 21 octobre, avec une très belle image, très belle photo de. En façade. Voilà, on n'a pas hésité longtemps à choisir la photo de couverture parce qu'on l'a trouvée d'abord très belle. Elle est en noir et blanc. Oui. Et en fait, elle est intemporelle. C'est Johnny, sa relation avec son public, et c'est Johnny sur scène. Et d'ailleurs, je pose la question à pas mal de copains ou d'amis qui ont le bouquin et qui cherchent l'année. 76. Absolument. 76. Mais tout le monde ne trouve pas. On le voit avec le petit liseré, il est argenté. Absolument. Mais tout le monde ne le trouve pas comme ça. Mais tes auditeurs sûrement, parce qu'ils sont incollables. Mais c'est-à-dire, j'ai plein de copains qui ont cherché et qui m'interrogent et qui m'envoient soit des messages par LinkedIn, soit sur Twitter et autres. Et c'est assez amusant. Je l'ai trouvé de suite. Oui. Non, mais toi, de toute façon, t'apprendras rien. Si. On en parlera. Oui, on en parlera, vous flora. Et puis aussi, on a une petite surprise pour nos auditeurs, Jean-François. Oui, alors, l'appui de mon éditeur, qui a son aval, on a décidé d'organiser, tu as organisé un jeu concours. Oui. Et on propose de faire gagner donc 3 livres. Donc c'est toi qui as mené cette affaire. Voilà. Je crois que tu as eu pas mal de réponses. Oui, on a eu plus de 200 personnes qui ont liké, le post. Donc on va faire un tirage au sort ce soir. Un tirage au sort avec 3 gagnants qui recevront le livre avec, je leur mettrai, si je peux, une petite dédicace. Et sinon, on se retrouvera, s'ils sont sur Bordeaux, je suis en train d'organiser des rendez-vous sur Bordeaux en mois de décembre dans des Cultura, au lac ou à Bègue, tout ça. Donc on pourra aussi se rencontrer à cette occasion. Mais avec grand plaisir. Tiens, la chanson est terminée. Et puis on va en attaquer de suite parce que ce soir, nous avons une programmation spéciale. On va retracer comme ton livre, 100% comme live. Votre livre, 100% live. On va retracer Johnny Hallyday de 1969 jusqu'à 2017. Avec Anaï. Avec les vieilles canailles. Et puis tu as sélectionné évidemment le palais des sports et le titre à tout casser pour commencer cette émission. Absolument. Julien Galibier au Palais des Sports en 1969, Jean-François. Donc c'est le premier concert que tu as pu voir de l'idole. Voilà, c'est la première fois que je vois Johnny sur scène. Il rentre sur ce titre. J'avais à l'époque, c'était en 69, donc j'avais 16 ans. Ça a été un choc parce que c'est un spectacle extraordinaire. On va pas redire tout ce qui a été dit sur ce show que une certaine presse a qualifié de show dans 2000. Mais c'est vrai que déjà, quand tu arrivais au Palais des Sports, il y avait une ambiance incroyable. Il y avait des odeurs d'encens. C'était la période air, hippie, tout ça. Et puis, c'était une première partie d'une richesse incroyable. Donc, moi, je vois ça pour la première fois. Je vais au spectacle pour la première fois. Et puis, t'as donc des cracheurs de feu, des fakirs, des cascadeurs. Tu as des groupes formidables, des dévotions et variations. Les variations, il y avait un chanteur qui était étonnant, qui s'appelait Joleb, qui avait une vraie présence. Et le guitariste, c'était Marc Tobali, je crois, si je me souviens bien. Dans les dévotions, il y avait le futur batteur de Johnny, il y avait Doudou. Et donc ces groupes, il y avait ces deux groupes qui succédaient. Il y avait un ballet dans l'esprit de R incroyable. Donc tu regardes ça avec des yeux, t'es un peu émerveillé. C'est quelque chose qui te surprend totalement. Toi, il crée quand même une surprise totale. Et puis l'entracte. Et là, la lumière évidemment s'éteint, l'orchestre commence à jouer et le live ne le rend pas vraiment bien, mais il y avait une puissance incroyable et notamment Tommy Brown qui tenait la batterie, il avait une pêche, mais c'était énorme. Et Johnny est arrivé, il était tout en noir avec des lunettes, un feutre noir, il avait une guitare blanche en bandoulière. Il attaque sur ce titre avec une voix d'une puissance et tout ce qui a existé avant, enfin tout ce qui était avant n'existe plus. Tu te rends compte que il est là, il a une présence. Mais absolument incroyable et il fait ce show qui évidemment s'appuie sur l'album Rivière ouvre ton lit avec son orchestre qui s'est renouvelé. Il y a l'arrivée de Rolling dans l'orchestre, évidemment guitariste essentiel, et j'en ai pris vraiment plein la gueule et je suis devenu fan ce soir-là. Et j'ai toujours des frissons quand j'entends À tout casser parce que je me revois le voyant pour la première fois. Et dans ce spectacle, il y a un moment d'anthologie, c'est le combat de boxe, mais on n'avait jamais vu ça, pas même à l'étranger. Je pense qu'aux États-Unis, on faisait pas si fort. Et donc, Johnny avait vraiment, vraiment frappé très, très fort. Et c'est le début d'une aventure incroyable. C'est le début d'un enchaînement de spectacles qui vont tous être plus extraordinaires les uns que les autres. Il a définitivement cassé les codes du showbiz. Il est le seul à faire ça en France, un des rares à le faire à l'étranger. Mick Jagger était venu le voir à ses concerts au Palais des Sports. Et il avait trouvé ça bien. Il l'avait dit. Et donc Johnny, en fait, moi je pense, il a travaillé toute sa vie, en fait, et beaucoup travaillé pour la scène. Il a enregistré pour la scène. Il était heureux sur scène. C'est là où il était heureux. Et il a passé plus de temps sur les scènes que dans son home. Ah oui, tout à fait. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est venue à l'idée cette idée de prendre le Palais des Sports, de faire une scène gigantesque comme ça. Écoute, moi je me souviens. On disait que c'était pour fêter ses 10 ans de carrière. C'est vrai que ça arrivait au moment de ses 10 ans de carrière, mais il avait déjà fait une répétition en 67. Il avait fait un show uniquement un soir au Palais des Sports. C'était un peu un test, avec déjà un décor assez important, plein de phares de voitures. Et le show avait été transmis sur Europe 1. C'était un show où il mélangeait un peu tous les styles de musique d'ailleurs. Il y avait sa période un peu hippie, il y avait du rhythm and blues, il y avait du rock'n'roll dur, parce qu'il y avait une version de Lucille qui était énorme. Et je pense que là, déjà dans sa tête, c'était un essai, il s'est dit voilà, c'est là que je veux aller, c'est ce que je veux faire. Et je me souviens d'une interview qu'il avait donnée à José Arthur, un des grands animateurs de l'époque, hein, notamment d'une fameuse émission qui s'appelle Pop Club sur France Inter. Il avait dit: je veux mettre à profit les 10 années d'expérience que j'ai eues pour proposer quelque chose de totalement nouveau, un spectacle comme on n'en a jamais vu, qui fait appel à tout, le son, la lumière, les sens, etc. Et donc avec son équipe, il a fait ce Palais des Sports. Jean-François, j'ai une question. Est-ce que en faisant un show aussi gigantesque, c'était rentable, ou est-ce que ça coûtait très cher et il se foutait de la rentabilité? Alors, je ne connais pas les chiffres, hein, je ne saurais pas te dire si l'investissement a été rentabilisé. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait le plein. Il y a eu 90 000 personnes au Palais des Sports pendant ces 2 semaines, c'était beaucoup à l'époque. Et Johnny et l'argent, de toute façon, ça n'a jamais franchement compté pour lui. Donc il investissait, rentable ou pas, je pense qu'il y a un certain nombre de spectacles qui ont été rentables. probablement plus dans les années 80 quand Camus a pris les choses en main. Mais alors c'est sûr que le Zénith a pas dû être rentable. Ça, le Zénith 84, avec tout ce qui s'est passé, on sait que le Johnny Circus a été un flop financier. Mais est-ce que le Palais des Sports 69 a été rentable? Je serais tenté de dire probablement, parce que c'était 15 jours, c'était plein, et y a eu derrière forcément. Alors, la rentabilité, elle s'estime pas seulement sur le spectacle. C'est les disques qui se vendent après, c'est la tournée qui est remplie derrière, c'est tout ça. Donc globalement, je pense que sur les tournées, au bout du compte, il s'est rattrapé. Et dommage donc que Guy Job à l'époque, hein, mais avec le ce qu'il a pu filmer, ça ne donne pratiquement rien parce qu'il n'y a vraiment que du gros plan sur Johnny. Bon, alors oui, effectivement, il y a un DVD de ce concert qui existe, et c'est vrai qu'on est loin des moyens des années 90-2000. Hein. Il n'y a pas beaucoup de caméras. Il y a effectivement, comme tu dis. On retrouve pas. J'ai jamais retrouvé, bon, en voyant ce DVD, ce que j'avais vu. Il y a des moments extraordinaires où il est à genoux. On passait un morceau là dans le fond où t'as des gens un peu bizarres qui viennent autour de lui, qui sont vêtus de cagoules. Enfin, c'est un peu comme une secte, tu vois. Mm-hmm. Et voilà, il y a des candélabres et tout. Il y a une ambiance incroyable, quoi. Et lui, il chante vachement bien. On sait déjà, il chante. C'est merveilleusement bien. Il a une présence incroyable. Il danse énormément. Mmh. Il danse énormément. Il bouge. Mais c'est. Il le fera plus souvent après. Hein. Quand sortiront, c'est déjà plus du tout pareil. Et comme je me disais, c'est jamais voir ce Johnny-là sauter, bondir. Ah, il sautait, il bondissait. C'était une pile électrique. Enfin, c'était. Puis à un moment, il se lance sur scène. C'est là où il a créé Que je t'aime aussi. Oui, sur scène du Palais des Sports. Donc, un moment très, très chaud pour l'époque. Les jeunes, on trouve ça évidemment. Mais nous. En 69, oui, c'était un moment quand même qui représentait quelque chose. Hein. Il y avait une espèce d'évolution, de révolution dans les mœurs et tout, que Johnny portait, bien sûr. On passe à l'année suivante. Alors, deux ans plus tard. Dans la chaleur du Palais des Sports. Voilà, il revient au Palais des Sports et là, il vient avec une surprise parce que il l'a dit d'ailleurs, il va être très différent ce Palais des Sports. Je mets d'abord et avant tout l'accent sur la qualité de la musique et des chansons. Alors, il a travaillé avec Labro, il a un nouveau répertoire, et puis dans l'orchestre, il y a un personnage quand même qui s'appelle Michel Polnareff, qui n'est pas le dernier des musiciens venus, qui est évidemment un très très grand. Ils sont très potes et il va l'accompagner comme musicien. C'est pas comme on l'écrit, il vient pas pour faire un medley dans le canon. Il est musicien du début à la fin. Et on voit, il y a plein de plans où Johnny. Alors il avait un rétroviseur pour suivre le batteur, c'est ce qu'il explique. Oui. Et Johnny rentre. C'est le diable qui sort de sa boîte. Là. Je me souviens très bien, il arrive par, quand on regarde la scène par la gauche, l'orchestre a commencé à jouer, là on entend qu'il joue, et tu vois Johnny qui arrive avec une guitare en bandoulière, cheveux au vent parce qu'il avait les cheveux longs, et qui saute devant le micro, et puis qui attaque. Il arrive. Le morceau qu'on va écouter, qui est Je suis né dans la rue, qui terminait en fait au spectacle de 69, qui débute celui de 71, et je t'ai demandé de mettre cette version parce que d'abord j'aime beaucoup cette chanson, et j'aime cette version, et notamment je trouve le fantastique chorus que Rolling joue. Et que je ne me lasse pas d'écouter. C'est une version très dynamique. À ça de juin 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont toujours gris. Derrière un terrain vague où se trouve l'étonné. Dans un berceau de fer, je ne fais grandir. Ne bouge ton pas si je ne sais pas sourire. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Je n'ai pas eu de père pour me faire entrer le soir. Eh bien, je vois ma mère travailler pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Et bien, comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. J'aimais, j'ai me battre encore plus fort pour la garder. Tous les côtés de la ville on me cherchait. Face sans serrer depuis je n'ai pas changé. J'étais dans la rue, j'étais dans la rue, dans la rue. Maintenant je vis plus où les murs sont aujourd'hui. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Les chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. S'il est dans la rue, oh dans la rue. Aider en live sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z avec ce soir Jean-François Chenu qui est venu parler du livre qu'il a écrit avec Michel Leclerc, Johnny ses concerts, sa plus belle histoire d'amour aux éditions Grund. Et puis évidemment Jean-François est là, et bien c'est tombé, Jean-François est là pour parler, excusez-moi, Jean-François est là pour parler évidemment de ses concerts, des concerts qu'il a vus, auxquels il a assisté. Et oui, alors, que peux-tu nous dire sur 71, donc c'est la deuxième fois que je vois un spectacle de Johnny à Paris. Donc c'est un show coup de poing, c'est un show d'une heure vingt, une heure et demie les bonsoirs. Il te laisse pas respirer, c'est mené à un rythme d'enfer. Il attaque avec Je suis dans la rue, fils de personne. La cette liste est superbe. De la nuit. Alors petite pause respiratoire avec La fille aux cheveux clairs, mais après ça redémarre de plus belle. Et il y a deux moments que j'ai particulièrement apprécié à l'époque, c'est Hommage au Lissara à la fin, où tout le monde est devant la scène et tout le monde danse avec Johnny qui passe la surmultipliée sur ce morceau. Et puis l'extraordinaire finale, le medley rock'n'roll final. Qu'on entend en fond. Qu'on entend en fond, où il monte, il saute, à l'époque, il est souple et tout, il saute sur le piano de Paul Naref. Pas de problème de hanche à l'époque. Il y a pas de problème de hanche. Il y a des photos d'ailleurs assez fortes, ouais, de ce tête à tête, en fait, entre les deux artistes. Et là, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie dans le Palais des Sports. Lui, il prend évidemment son pied parce qu'il aime chanter du rock'n'roll. Paul Naref adore ça. Il joue à Jerry Lee Lewis merveilleusement bien. Et donc, c'est vraiment un chaud coup de poing. Moins sophistiqué que le précédent. Je dirais musicalement plus abouti, avec des chansons qui renouvellent beaucoup le répertoire. Hein. On est dans les années 70, on n'est plus dans les années 60. Et puis, c'est une époque aussi importante dans sa carrière parce que, à la surprise générale, il est plus accompagné par sa radio historique. C'est pas Europe 1 qui est le sponsor du show, c'est RTL qui met les pieds pour la première fois dans Ali des Landes. Et 71 2021, ça fait 50 ans. 50 ans, là, en septembre, qu'RTL est la radio partenaire de Johnny. C'est quand même une longévité extraordinaire. C'est une autre belle histoire d'amour. Oui. Il n'y a jamais eu d'infidélité, de faille. Et c'est Jean-Bernard Hébé, qui était l'animateur d'RTL à l'époque, qui avait retransmis la générale du Palais des Sports. Alors, Johnny avait fait les choses en grand. Il avait invité le banc et l'arrière-banc à cette générale. Et il y avait des vedettes, des grandes vedettes. Il y avait Yves Montand, notamment. Il y avait Kirk Douglas. Il y avait Jean-Paul Belmondo, il y avait un monde incroyable. Sylvie Vartan évidemment était là. Et après, il y a eu un dîner au son des violons au Fouquet's. Tu vois, c'était très le étonnant. Contraste, ouais, le contraste incroyable. Et puis c'est aussi un show où il a des choristes extraordinaires, donc quatre choristes qui l'ont accompagné, avec lesquels il a joué sur Flagrant Délit. Et parmi ces choristes, Nanette Workman, qui chantait en première partie. En première partie, il y avait Tommy Brown, il y avait Nanette Workman, il y avait Gary Wright et son groupe Wonder Wheel, qui avait donc composé et un peu dirigé l'album Flagrant Délit. Et donc la première partie était assez musicale, plus musicale que deux ans avant, où il y avait effectivement des groupes, mais il y avait aussi plein de choses autour. Là, c'était vraiment un enchaînement de musique. Tommy, il jouait seul, il s'accompagnait seul à la guitare sèche. Oui, c'est ça. Ouais. Nanette, elle jouait avec l'orchestre de Johnny. Et puis, bon, Gary Wright était avec son groupe, bien sûr. Et donc c'était bon, une super soirée musicale. Enfin, c'était vraiment pour les gens qui aiment cette musique. On passait 3 heures au Palais des Sports et on sortait de là. On était heureux, bien sûr. Et donc ça c'est donc le deuxième spectacle. C'est le Palais des Sports 71. Le fait marquant, c'est quand même la présence de Paul Naref, parce que les artistes français sont assez égoïstes. Ils sont pas du genre à aller jouer avec les copains à l'époque. C'est pas ça. Alors qu'aux États-Unis, ça se fait de s'associer. Oui, oui. Et Johnny et Paul Naref, qui s'entendaient très bien. Mais Paul Naref est venu jouer dans l'orchestre. Il a joué dans l'orchestre. Je ne sais même pas s'il était payé. Ils s'en foutaient. Apparemment, il disait qu'il n'avait pas eu de cachet. Non, mais il venait pour le plaisir de jouer de la musique avec Johnny. Point barre. Et c'est ça qui était bien. Des bœufs. Un vrai bœuf. Pour nous aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et là, on a une qualité musicale vraiment superbe. Alors, là, une dynamique dans ce concert. Et donc, en plus, c'est le premier live qui est vraiment bien enregistré, parce que c'est Chris Kimsey, donc ingénieur du son qu'on connaît bien, qui l'a enregistré. Il l'a enregistré avec le Manor Mobile Studio des Rolling Stones, qui avait sorti Get Ya Yaze Out, qui était un formidable live. Donc, il avait un matériel d'enregistrement live qui était très performant. Et donc, Johnny avait utilisé pour se sortir le premier double live de sa carrière, avec ce visuel incroyable, cette photo gros plan bleu-rouge qui est d'une efficacité. Quand tu vois ça dans le magasin à l'époque du vinyle, hein, ça t'en jette. Hein. Et les affiches dans Paris, les affiches de ce spectacle, il y avait deux palissades au bas des Champs-Élysées qui s'étendaient sur tout le bas des champs. Et tu le vois d'ailleurs dans le film de Reichenbach, Johnny passe avec son chopper Harley sur les Champs-Élysées, il se voit en affiche au bas des Champs-Élysées. Ça avait un impact, une force incroyable. L'affiche était vraiment très très réussie. C'est des puissances. Marquante, frappante, tout à fait. Donc ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Mais oui, mais puis 71, c'est une très très très belle année aussi. On va passer à l'année suivante. Alors après, on va sauter quelques années. Quelques années, parce que Johnny va après se lancer dans l'aventure du Johnny Circus, qui lui laissera quelques déboires, surtout financiers. Et puis il va venir quoi, il va faire l'Olympia 5 jours en 73 pour aider son copain Bruno Cocatrix. Mais il peut pas remonter un spectacle à Paris d'abord, parce que je pense que financièrement il a besoin de se refaire la cerise, comme on dit. Et donc il faut un peu de temps. Ce temps, il va l'occuper aussi à enregistrer aux États-Unis des albums un peu mythiques, country rock à Nashville, rock and roll, rock à Memphis, très rock and roll, mais donc à Memphis, la ville bien nommée. Et puis il va surtout aussi commencer à travailler avec Jacques Revaux. Et en 76, c'est une année de 75-76, une année de folie d'enregistrement, puisqu'il fait, il enregistre Hamlet, qui est un projet très ambitieux qui porte depuis longtemps. Et puis Derrière l'amour, qui va être l'album qui aura le plus vendu dans les années 70. L'album de tous les succès. Avec 4 hits monstrueux qui l'ont accompagné jusqu'à la fin de sa carrière. Et donc avec ce matériel-là, il peut remonter un spectacle. Et ce qui était à l'époque, ce que j'adorais, et je pense beaucoup d'autres adoraient, c'est qu'on savait que Johnny allait faire une rentrée au mois de septembre. Donc il était toujours, c'est toujours au mois de septembre. Hein. Donc là, 76, on sait qu'il va faire le Palais des Sports, et on attend qu'une chose, c'est de voir l'affiche. Mmh. L'affiche du spectacle qu'on va retrouver sur les murs de Paris, partout. On le sait très bien. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va. Enfin, moi, je ne sais pas. Et je pense que personne ne sait quand est-ce qu'elle va être affichée. Et je me souviens très bien qu'en remontant, j'étais porte-maillot, je remontais l'avenue Malakoff à pied. Et là, je vois l'affiche de ce spectacle. Et aussi une affiche assez efficace avec un Johnny en t-shirt, jean, basket blanche, un look, je dirais, assez apaisé, assez tranquille, et qui annonçait en fait une performance énorme, puisqu'il allait investir le Palais des Sports pendant 4 semaines, là, 2 semaines en 69, 3 semaines en 71. 76, c'est 4 semaines minimum. Donc à chaque fois, il met la barre plus haute pour un show qui va être aussi un temps, un marqueur de sa carrière. Et puis aussi, oui, avec les succès qu'il y a eu dans les années 76, donc il savait il a le matériel. Mais qu'est-ce qu'il va proposer ? En fait, déjà, ce qui est important, avec toujours le soutien de sa radio, RTL, c'est que là, il va casser une nouvelle fois les codes du showbiz, puisque fini les premières parties, c'est lui qui porte l'intégralité du spectacle sur ses épaules. Donc il n'y a que Johnny Hallyday. Il n'y a pas de première partie. Il y a des ballets qui viennent un petit peu meubler quelques instants, mais c'est lui qui sur scène pendant plus de 2 heures. Tout à fait nouveau. Oui. Parce que dans les années, avant, les shows, ils duraient 1h15. C'est ça. Oui. Là, il va pendant plus de 2 heures être sur la scène. Et il décide de balayer sa carrière et de faire un premier bilan, une sorte de premier bilan, puisque ça s'appelle Johnny Story. Et que la première partie, elle est consacrée à tous ses succès des années 60. Et donc, moi qui l'ai vu pour la première fois en 69, je n'avais jamais entendu l'idole des jeunes, les tendres années. Mais oui. Elle est terrible sur scène. Et donc, toute cette première partie, avec une mise en scène relativement sobre, mais assez efficace, c'est l'entrée sur scène, on va en parler, très spectaculaire, voilà, des éclairages qui sont dans l'esprit des années 60. Il nous fait donc cette première partie formidable où on revisite tous les tubes de son début de carrière. Et deuxième partie, après un entracte qui était assez long parce qu'il fallait vendre du produit, du programme, du merchandising, etc. Là, apparition d'une sorte de révolution luminaire, les lasers de Jacques Rouvérolis. Et là, tu es dans un autre univers. C'est pas du tout le même show qu'en première partie. Et cette deuxième partie, elle s'appuie sur les derniers enregistrements de Nashville, de Memphis, et puis évidemment de Derrière l'amour, ce qui va créer sur scène, et Requiem pour un fou, Derrière l'amour. Un titre que tu vas nous passer parce que c'est un titre que j'adorais. Il est là. Qu'on entend en fond, qui joue pas de rock'n'roll pour moi. C'est la version que je préfère, moi, toute celle qui l'a faite. Et puis, il y a bien sûr l'inusable Gabriel. Qui va arriver sur scène à ce moment-là. Qu'on entendra peut-être dans le cours de cette soirée. Peut-être. Voilà, c'est Johnny Story, c'est une nouvelle évolution. Johnny porte l'intégralité du spectacle sur ses épaules, première et deuxième partie. Et on a un très beau programme également dans ce concert-là. Ah, c'est un programme intratlistique qui est magnifique. C'est un peu, il le fera deux fois, il le fera en 76, il le fera en 93. Mmh, tout à fait. Allez, on écoute tout de suite. On n'écoute pas de rock'n'roll pour moi. Joue pas de rock'n'roll pour moi. J'espère que tout va bien pour vous. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et en compagnie de Jean-François Chenu. Marchait à tes côtés, tu offres les et de nos souvenirs. Avec une voix qui grince comme un 45 tout rusé, chaque mot est un mensonge à travers un sourire. Oh non, nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenir. Tu passes la canne pour moi. Pour moi. Oh non. Je crois que je vais rester sourd pendant très longtemps. Avec le sourire que la vengeance sur les lèvres, les bras croisés sur le cœur qui bat de tout son sang. Je tournais vers l'horizon d'où sortent les rêves. Le mat hurlera des mensonges dans le vent. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu ne crois. Ne te sers pas de souvenir. Joue pas de rock'n'roll pour moi. Oh non, n'avons plus rien à nous dire. Ah, c'est encore un grand moment. Ouais. Ce sont tous les grands moments, tous les concerts de Johnny, c'est un grand moment. Alors, là, c'est le premier concert où l'entrée en scène est vraiment un enjeu et où il décide de soigner particulièrement son entrée, comme lui avait conseillé Maurice Chevalier. Donc, tu fais référence dans le livre plusieurs fois. Parce que c'est. J'en parlera tout à l'heure, mais j'en ai parlé avec quelqu'un cet après-midi qui m'a conforté dans l'idée que c'était vraiment un moment très important. Cette entrée sur scène, elle est très très réussie. Alors d'abord, quand on est tous en place, que la lumière s'éteint et tout ça, on entend une voix qui est la voix de Johnny qui nous dit « Salut, ça va? Ça fait plus d'un an que j'attends ce moment-là. J'ai besoin de vous. Ça va être la fête du rock'n'roll. » Enfin, cette voix, elle te met tout de suite dans l'ambiance. Et pendant qu'on l'écoute, le noir se fait, les musiciens sont sur place. Et tu as comme une espèce de champignon atomique qui, au milieu de la scène, propulse dans l'espace, avec un cercle laser vert qui l'entoure, Johnny, qui va commencer son tour de chant avec Daddy Run Run, et il est dans l'air, il est dans l'espace. C'est très spectaculaire. Et c'est ce petit rayon laser vert qui l'entourait autour de cette sorte de mini scène, est fait très très réussi. Donc c'est la première entrée sur scène très très soignée de Johnny. Il y en aura d'autres après, évidemment. Bien sûr. Il y en aura d'autres après. Et puis, c'est la première, j'ai été quatre fois au Palais des Sports, le voir. Et il y a eu une dernière qui a été assez historique pour ceux qui y sont allés. J'ai pas pu y aller. Après, j'ai pas raté beaucoup de dernières, mais celle-là, j'ai pas pu y aller. Et puis, c'est l'époque où je commence à emmener des gens. Des gens qui bon, Johnny, oui, bah, venez voir. Mais grâce au succès derrière l'amour, au moins t'as pu les convaincre en quelque sorte. Et puis surtout, je dis, vous allez voir un spectacle, et tout à fait extraordinaire que vous n'avez jamais vu. Et j'ai commencé à convaincre beaucoup de gens à ce moment-là. Johnny, j'ai pas arrêté. Voilà. Quand lit tes bouquins sur le 50 ans et 60 ans, on sait que t'en as converti beaucoup. Et là, donc, j'y suis allé quatre fois. Et puis après, il y a eu la tournée qui a été, et puis le live qui est sorti, qui a été un carton. Johnny vendait beaucoup de live, contrairement à d'autres chanteurs, et son double Johnny Hallyday Story au Palais des Sports a complètement étouffé d'ailleurs la sortie d'Hamlet. Exactement. Mais il a caracolé en tête des ventes avec ce double live. Mais tu vois, hein, Jean-François, tu me donnes envie de revoir à nouveau cette vidéo, la vidéo de ce concert du Palais Sport 76. Elle n'est pas exceptionnelle, non. Parce que c'est toujours avec des moyens limités, et puis ça avait été fait pour la télévision, qui s'amusait à découper le spectacle en deux, et puis avec des écrans qui se multipliaient, enfin bon, c'est pas une réalisation top, non. Mais quand même, c'est un moment important. Et puis, franchement, les lasers de Jacques Rouvrelis, Jacques Rouvrelis va travailler avec Johnny maintenant, après, pendant de nombreuses années, c'est tout à fait nouveau et révolutionnaire. Tout à fait nouveau, révolutionnaire. Et donc, ça nous amène 3 ans plus tard. Exactement, voilà. À son nouveau rendez-vous à Paris, un rendez-vous pour ses 20 ans de carrière. Et c'est, alors là, ils ont cherché une salle. Il a été question à un moment du Parc des Princes, mais pour des raisons de sécurité, police haute, ça lui a été refusé. Et finalement, ils se sont rabattus sur les abattoirs de la Villette, qui était une salle où se produisaient tous les grands groupes de rock à l'époque, AC/DC, Rolling Stone, etc. Supertramp, Pink Floyd. Voilà. Et donc ils ont relooké un peu la salle, mm-hmm. pour que ce soit un peu plus confortable. Et Johnny, c'était quand même, ouais, c'était 2 fois le Palais des Sports quand même. À peu près, c'était 8000 places, je crois. Et donc Johnny décide d'aller fêter ses 20 ans de carrière là-bas, dans un show inspiré par la science-fiction. Son entrée sur scène, elle est incroyable, avec ses lunettes qui envoyaient des rayons laser sur les gens, une tenue de cosmonaute et une guitare incroyable, et sur l'ange aux yeux de laser, un titre qu'il avait créé pour ce spectacle. Et moi, il y a un titre qui m'a scotché, j'ai adoré ce spectacle, hein, évidemment beaucoup de moments forts, mais Sauvez-moi. Titre que j'aimais beaucoup dans sa version studio de 72, mais qui avait jamais été chanté sur scène. Et là, c'est un des temps forts incroyables. Johnny qui est dans la peau de se condamner à mort, mais qui te file un frisson, mais incroyable, parce que voilà, il appelle à sa mère, à Dieu, à tout le monde pour le sauver, mais on y croit. Et puis à la fin, il est fusillé par un rayon rouge et des créatures malsaines qui viennent l'emmener. Et il y a des photos formidables. C'est ce que j'allais venir à ça, des belles photos de Michel Leclerc. Sur ce moment-là, tout à fait. Voilà. Et donc Sauvez-moi, qui était aussi l'occasion de sa rencontre avec Michel Mallory, qui est déterminante. J'étais sur ce spectacle 79, puisqu'il fallait choisir un titre, j'ai choisi celui-là. Tu as bien fait. Et puis, je crois que mes auditeurs savent que c'est un de mes concerts préférés, si ce n'est mon concert préféré. Il y a Qu'est-ce que tu croyais, qui était un moment d'anthologie. Il y a certains soirs où ça a duré 14 minutes. Hein. Ça, c'est avec un grand plaisir que j'écoute à chaque fois ce concert-là. On l'écoute, cette chanson, Sauvez-moi ? On l'écoute et puis on dira juste. Ouais. On va se retrouver après sur l'autre titre. Sauvez-moi, faites quelque chose. Oh, faites quelque chose. Oh, faites quelque chose. Oh, faites quelque chose. En tapant sur leur gamelle, oh, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Pas maintenant. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas encore tout dit. Je suis innocent. Je suis innocent, je le dis. Et toi le curé, toi le curé, dis-leur que lui là où il veut pas. Dis-leur qu'il les regarde. Je ne veux pas mourir. J'ai peur. J'ai peur. Je ne suis pas un héros. Je ne suis rien du tout. Laissez-moi la vie. Laissez-moi la vie, monsieur le président. Pitié pour Porte de Pantin, 1979. Alors là, c'est quasiment, c'est 5 semaines, je crois, qu'il fait, donc dans une salle encore plus grande. Donc, c'est-à-dire le monde qui est venu le voir pour ses 20 ans de carrière. On se souvient évidemment tous de la dernière, qui a été un moment assez historique, puisqu'il s'est retourné un moment et qu'à la batterie, il y avait son fils David qui avait 13 ans, je crois, à l'époque. Oui, c'est ça, oui. Donc, c'était une surprise concoctée par Sylvie, Mallory, etc. Et alors, juste une petite anecdote qui va faire amuser tes auditeurs, c'est ça serait évidemment impossible aujourd'hui. Il se trouve que je suis allé à ce concert donc aussi plusieurs fois, 4 fois, et la deuxième ou troisième fois, j'étais allé avec un ami qui était mon voisin et qui avait été le coiffeur de Johnny dans les années 60. Et on le voit d'ailleurs sur le film le roi triste, là, son retour là, en 66, on voit très bien le coiffant de Johnny dans sa loge. Et il me dit, tu vas voir, emmène-moi, je vais te le présenter parce qu'il sera sûrement content de me voir. Bon, on y va. Donc je prends des places et arrive l'entracte. Et là, je te jure, on passe derrière le rideau. Personne ne demande rien. Il y a un mec gars qui est là en demandant j'ai rendez-vous avec Johnny Hallyday. Vous avez rendez-vous avec Johnny Hallyday? C'est là-bas. Et donc, on y va sans aucun contrôle, rien. C'était absolument invraisemblable. Et donc, on arrive effectivement et Johnny voit son ex-coiffeur. Il lui tombe dans les bras. Vraiment heureux de le voir. Ils se sont enfermés dans la loge de Johnny un bon moment. Puis après, ils sont ressortis. Il nous a présenté sa femme et à moi. C'était un moment assez sympa, assez émouvant. Et il se trouve que pendant cette série de concerts, j'ai fait la connaissance par une collaboratrice d'un des musiciens de l'orchestre. C'était Jeff Reynolds, qui était un des cuivres. J'avais pris un petit déjeuner avec lui et je lui avais raconté. Il m'a dit, bah écoute, quand tu reviens, demande-moi si tu veux, à l'entracte, viens me voir. Et donc, rebelote, le jour de la dernière, et là j'étais avec ma femme, je passe le rideau et je lui dis, je viens voir Jeff Reynolds, et on me laisse passer. Et voilà. Et je me suis retrouvé dans le vestiaire des musiciens. j'ai vu Jeff et on a croisé effectivement il y avait Coluche, Mallory, donc Sylvie, Carlos dans les coulisses. C'était une époque incroyable. Mais c'est étonnant, oui, parce qu'on voit les vidéos, c'est Jean Renard qui avait filmé cette période-là. Oui, c'est ressorti il y a pas longtemps en vidéo. Oui. Je ne sais plus à quelle occasion, mais c'est vrai que entracte, allez, venez dans ma loge, on va boire un coup, on va échanger, on va parler, je reçois du monde, il y a une cinquantaine de personnes autour de Johnny et puis c'est l'entracte dure souvent un peu longtemps d'ailleurs, parce que t'as envie qu'il revienne. Et pour une deuxième partie qui était totalement différente, puisqu'il arrivait dans une espèce de libellule de toit du pavillon avec une tenue d'indien, soit blanche, soit noire. Ah, une tenue que j'adore. Incroyable. Une tenue que j'adore. Et une deuxième partie qui était très rock'n'roll avec un final où il retrouvait les chimères Montagnier qui venait là jouer uniquement le medley final et avec un clin d'œil au rock les plus terribles avec Frankie et Johnny, avec Rien que 8 jours, avec Carole et puis Le bon temps du rock'n'roll pour terminer qui était son nouveau morceau de bravoure en fait. Oui. Voilà, bon, grand moment, grand spectacle, les 20 ans de carrière de Johnny. Dans un bar un soir, Johnny. Je rentre dans ses bras. Mais oui, mais il y en aura d'autres. Sans se faire voir, les surpris enlacés devant le bar. De son sac à col 45, elle sortit, tira sur Johnny et lui dit, tu es à moi. Maintenant as-tu jamais pour te caler. Sans se faire voir, les surpris enlacés devant le bar. Le son sac à col 45, elle sortit, tira sur Johnny et lui dit, tu es à moi. Maintenant as-tu jamais. Oui, en prison, tu t'emmènes tranquille dans le froid du matin. Et le fleuve qui ton gardien. plus maintenant, personne ne le prendra. Il est à moi. Avras-tu jamais, jamais? Il est à moi. Avras-tu jamais, jamais? Au revoir, Pavillon de Paris. Quelle version. Ça, j'adore. Ah, c'est formidable. Un grand moment. Mais c'est pour ça que c'est mon concert préféré. Alors après le Pavillon de Paris, il va faire en 80 une tournée avec un groupe qui a marqué aussi les esprits pour ceux qui ont vu les spectacles, c'est le Night Rider Band. Sans les avoir vus, moi ils m'ont marqué. Parce que c'est vrai, cette musique sur l'album, c'est un album que j'adore. Un double live. Hein, qui est sorti. Et c'est étonnant parce qu'en fin de compte, il n'y a eu qu'une seule date parisienne. Ah oui, qui n'était pas prévue. Voilà. Elle a été rajoutée parce qu'il y avait un vrai succès. Johnny faisait à ce moment-là une émission sur la note qui était à nouveau sur Europe 1. C'était l'histoire du rock, je crois, ou qui racontait avec je sais plus quel animateur. L'émission a eu beaucoup de succès et suite au succès de cette émission, qu'ils ont proposé, ils ont dit de finir en fait à Paris. Alors c'était pas au Pavillon de Paris, c'était au même endroit, hein, c'était Porte de Pantin. L'hippodrome. Voilà, c'est ça, l'hippodrome de Pantin. Et c'est une tournée où il avait en fait, alors là, joué carrément la carte rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de mise en scène, il était vêtu en cuir noir, et c'était un show un peu coup de poing, toi, comme en 71, ça du début à la fin, ça dépotait, il y avait beaucoup de titres de rock, très peu de balade, très peu de pause. Et un bon souvenir, c'est qu'il avait fait J'ai pleuré sur ma guitare, il faisait Charlie Charlie aussi. Mmh. Et puis il avait recréé un titre de Buddy Holly. Quand ce jour viendra, What That'll Be the Day, qu'il n'avait pas fait sur scène, je crois même jamais fait sur scène. Non. C'était une des belles surprises de cette tournée. Et puis, donc après cette tournée, on va arriver à son finalement dernier grand rendez-vous au Palais des Sports. C'est le show de 82 avec donc Fantasme Hallyday, inspiré, enfin qui s'appuie sur l'enregistrement de l'album La Peur, et qui là aussi show extrêmement thématisé avec deux parties très différentes. Une première partie thématique avec ce survivant dans un monde qui s'effondre, victime des bombes et des guerres, etc. Et puis donc le survivant qui interprète finalement un personnage. C'est pas mon spectacle préféré, mais même si à l'époque j'ai kiffé, je l'ai vu 4 fois. Et que les gens adoraient, et puis j'avais adoré. Avec le recul, bon, c'est pas forcément celui que je regarde le plus. Et une deuxième partie où là, à nouveau, il remettait les choses. Ben, il faisait un peu sa musique. Il y avait un Medley de Rhythm and Blues, il y avait un Medley de Rock and Roll, il y avait Hommage au Lee Sarah, il y avait des titres comme Le Pénitencier. Donc c'était du Johnny plus classique. Tout à fait. Et là, il était debout avec tous ses musiciens. Il était debout sur le devant de la scène. Alors qu'en première partie, il y a un décor quand même incroyable, une entrée sur scène aussi très spectaculaire où il apparaît qu'une peau de bête et où il enflamme des personnages. Les zombies qui arrivent. Et il y a une chanson que j'ai par contre adoré dans ce spectacle. C'est une chanson, c'est la seule d'ailleurs qui l'a écrite. C'est une chanson de Nicolas Perrac qui s'appelle Je n'oublierai jamais. Où là, en fait, donc son amour se fait déchiqueter par des chiens. Il est impuissant parce qu'il est attaché, il est attaché à une grille en feu. Alors il arrive à se libérer et puis à couper la tête des mauvais. Mais la fille, elle a été dévorée par des chiens loups sur scène. Barbarella. Et il interprète magistralement cette chanson que je trouve superbe, Je n'oublierai jamais. On l'écoute. Qu'on va écouter. On écoute aux Absalas. Et puis on retrouve de belles photos encore de Michel Leclerc hein, dans ce livre. Ouais. Oui, dans ce livre que Jean-François Chenu défend ce soir sur l'antenne de RIG. Que je présente. Je défendre. Oui, tu présentes. Oui, plus besoin de défendre maintenant. Vu qu'on parle de Johnny, aucun souci. Bien sûr, mais c'était un plaisir de. Tu sais que pour l'écrire, en fait, je me suis remis tous les concerts. Je les ai tous regardés. J'ai une bonne mémoire, mais de là à me souvenir de tout, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, je vais refaire tous les concerts un par un. Dont celui de 1982 au Palais des Sports. Voici tout de suite, Je n'oublierai jamais. M'écarteler la chèvre. sang m'arracher goutte à goutte les gouttes de ma vie. Entre vos mains, piétiné, déchiré. Et moi là, l'insoumis, incapable et cloué. Au mât de vos supplices, au mât du sacrifice. Que je suis déjà mort et que je vais pourrir, desséché au soleil, cadeau pour les vautours. Je n'oublierai jamais que c'était grâce à elle que je vivais ma vie et que je n'aimais qu'elle et qu'elle m'avait dit. Changer de pays, de prison, de visage et de nom, de croyance et de Dieu, et même changer de peau. Je n'oublierai jamais. Non. Jamais. Autour du Zénith 84 maintenant, Jean-François. Oui, je, un petit mot pour finir sur 82. J'ai le souvenir d'une dernière extraordinaire. Là, j'y étais. C'était le 11 novembre, je crois. Et il y avait beaucoup de copains de Johnny qui étaient là, et notamment Eddie Mitchell. Dans le livre, il y a des photos magnifiques de cette dernière. Johnny est torse nu. En fait, il a perdu 7 à 8 kilos pendant le spectacle parce que il a été blessé. Il a pris un coup à la hanche. Il va devoir se faire opérer. Donc, qui dit opération d'y limiter un certain nombre de consommations, et donc il avait fondu comme neige au soleil. Il était absolument superbe, et cette dernière était dernière d'orthologie. Tu fais bien de le dire, parce que moi j'ai regardé, je me suis attardé sur cette photo, il est torse nu, je me suis dit mais il avait perdu là, je me suis dit tu vois, il a perdu cette par rapport au début du spectacle, c'est ça, mais c'est ça. Et il le montre bien d'ailleurs. Avec plaisir, il se montre. Et donc après il va faire, alors c'est important parce qu'il va aller à Nashville faire un certain nombre d'enregistrements. Il y aura les Enfants du Rock. C'est un peu un changement aussi d'équipe. Nathalie Baye est rentrée dans sa vie. C'est toujours Pierre Billon qui est aux manettes. Et l'orchestre qui va l'accompagner dans son prochain spectacle est un orchestre où il y a des musiciens avec avec lesquels il n'avait pas joué avant, comme Mike Bazzani. Mais par contre, il y a Rocky à la guitare, bien sûr. Doudou qui a repris la batterie au cours du spectacle en 82, parce qu'il y a eu des musiciens qui se sont fait virer et qui sont remplacés par des Français. Et donc là, c'est un peu le concert maudit, mais c'est un concert tellement extraordinaire, tellement exceptionnel, tellement beau, que c'est un peu dommage, parce que le Zénith, qui est une nouvelle salle, une salle extrêmement fonctionnelle, où tu vois bien de partout, où t'es assez confortablement assis, une salle qui est grande, qui est une nouvelle salle à Paris. Bercy voit le jour à peu près au même moment, mais donc il choisit d'aller au Zénith. Je crois le deuxième à se produire au Zénith. Menti, Renault c'était pas produit avant lui ou si c'est ça. Le premier c'était Renault. C'est ça. Voilà. Et bien alors là, il programme un show pour plus de 3 mois, ce qui est une folie furieuse. Folie furieuse, parce que multiplier le 7000 places par 3 mois de concert, il faut un sacré public pour remplir tout le soir. Et puis Johnny, malgré la qualité des enregistrements de Nashville, n'a pas de tube à l'époque, de vrai tube. Mon petit loup passe beaucoup en radio, mais c'est pas ce qu'on appelle un grand tube. C'est une superbe chanson de scène. Hein. L'hiver va être rigoureux. Il y a des soirs où ça sera pas plein. Moi, j'avais un peu le cafard. Je l'ai vu un soir. Ça m'était jamais arrivé dans un demi-zénith qui était même pas rempli. Mais il faisait le show, évidemment, comme si de rien n'était. Et c'était un spectacle avec une entrée en scène extraordinaire. Tout le monde en mémoire. Ah, c'est une des plus marquantes, hein, aussi. Marquante, le point qui avance sur le public. Et je peux te dire que les gens que j'ai emmenés voir ce spectacle qui n'avaient jamais vu Johnny sont sortis complètement bluffés. Et Johnny était beau comme un dieu. Il avait un tour de chant de très grande qualité. Il a créé Ne me quitte pas. Il a créé des titres pour ce spectacle. Il y avait vraiment. Et puis des classiques, il a revisité et superbement revisité. Là, on va entendre, je crois, Edjo, qui est un très grand classique. Aussi, excuse-moi, partenaire, qui est un partenaire magnifique, absolument. Je me sens si seul. Voilà. Et puis le final incroyable avec mon petit loup, le montant du rock'n'roll, les guitaristes qui sont suspendus à des filins. Et il n'y a pas de décor. Le décor, en fait, est fait de tous les milliers de comment on appelle ça, de. Ah, bah, il y a déjà toutes les lumières. Les Barry Lights, on appelait ça, de Jacques Rouvérolis, et qui crée des tableaux sur chaque chanson qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Rocky disait qu'il faisait très très très chaud sur cette scène, et même dans la salle, parce qu'avec tous les projecteurs, tous les Varilux qu'il y avait sur la scène. C'était incroyable. J'ai écouté une interview de lui là, qui était intéressante, où il racontait un peu tout ça, et effectivement il évoque ça. Et Johnny, bon, tout le monde le sait, il va finir fatigué avant les fêtes de Noël, il va revenir en janvier, puis il aura un coup de pompe, il va s'effondrer sur scène, il va être obligé d'abréger la fin de son spectacle, il reviendra terminé, il fera des dernières en février pour clore le spectacle avant de partir en tournée. Mais ça lui laisse pas que des bons souvenirs, le Zénith, mais ça reste un très très grand show. C'est dommage qu'il ait été programmé si longtemps. La raison pourquoi, on ne sait pas trop pourquoi. Je sais pas, peut-être que ça coûtait tellement cher qu'il fallait amortir sur la durée, j'en sais rien. Et puis on a ces sorties de disques qui sont invraisemblables, de faux blagues. Voilà. On en a déjà parlé ensemble, on en reparlera encore, mais oui, parce que c'est pas un sujet qui est enterré, bien au contraire, mais ça viendra. Rassure les auditeurs, ça viendra. Un jour ou l'autre, on aura un vrai live du Zénith. Chaque fois qu'on me pose une question, je rigole maintenant. Ah oui. Mais voilà, bon, moi j'ai encore un spectacle que j'ai beaucoup beaucoup aimé et qui est alors un peu charnière, puisque finalement il quitte le Palais des Sports, il va investir une autre salle après, et entre les deux il fait le Zénith. Les Zénith, mais on va écouter Hey Joe, au Zénith 1984. Hey Joe, et cours pas comme ça, dis, y a pas le feu chez toi. Hey Joe, et viens dire bonjour, t'en mourras pas. Non, moi je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? connard de la bombe. Ah, tu t'en fous de tout ça, non? Comme tu dis, la vie, c'est le métro. À 6 heures, chacun pour soi. Il y a toujours une place, mais pas pour moi. Dis-moi pourquoi. Hey, Joe, pourquoi t'as la chance, viens avec moi. Hey, Joe, en laissant ta marche dans toi. Zénith 1984 avec Hey Joe sur l'antenne de RIG, avec Jean-François Chenu qui nous présente le dernier bébé, Johnny, ses concerts et sa plus belle histoire d'amour, et un livre qu'on va vous faire gagner d'ici quelques minutes. Tout à fait. Alors, il y a de très belles photos du Zénith. Oui. Très très belles photos du Zénith. Voilà, bon, sur ce spectacle, on aimerait vraiment qu'il sorte effectivement dans son vrai live. Et par contre, c'est le premier DVD qui est, je trouve, d'assez bonne qualité. Il y a une bonne captation, assez bonne captation. On voit quand même l'entrée sur scène est bien, le point qui revient à la fin, on voit tout ça bien. C'est pas encore la perfection de ce qu'on va avoir après, mais c'est déjà beaucoup mieux que les Palais des Sports. Ouais. Bah oui, bon là, Guy Job est revenu, parce que Guy Job oui. fait le 69, là il fait le 84. Il fait 84, mais là il y avait probablement plus de moyens, plus de caméras, et on a une captation qui est quand même d'assez bonne qualité. Et grâce à toi, on a le son live. Voilà, on a le vrai live. Voilà. On fait ce qu'on peut ici sur RIG. Mais en tout cas, là, bon, il se passe quelque chose à ce moment-là. Et puis rappelons que c'est à ce moment-là qu'il rencontre Michel Berger. Oui. Par l'intermédiaire de France Gall et de Nathalie Baye et puis d'Alain Lévy, le patron de sa maison de disques, et qui décide donc de travailler ensemble et de demander à Berger de faire non pas une chanson, mais tout l'album. qui va sortir en 85, qui va être un vrai marqueur de sa carrière, Rock'n'Roll Attitude. Donc on n'est pas là pour parler des albums, mais c'est sûr que c'est un changement important. Et surtout, Johnny va, avec son entourage qui s'est renouvelé, entre autres la prise de pouvoir de Jean-Claude Camus, se produire maintenant à Paris, dans la nouvelle salle de l'Est de Paris, qui est le Palais Omnisport de Paris-Bercy, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, le POPB, qui est une salle très grande, hein, c'est 14-15 000 places à ce moment-là. Et donc, forcément, bah, c'est plus 3 mois, mais là, ça va être 3 semaines. On revient des temps plus courts, mais les rentrées de Johnny à Bercy sont des rentrées que tout le monde va attendre. Parce que son premier Bercy 87, c'est une vraie réussite. Oui. Il a l'intelligence de confier la mise en scène à Michel Berger, qui va à la fois conserver le côté spectaculaire des shows de Johnny, mais apporter aussi une certaine rigueur à tous les niveaux, musicien, track listing, etc., qui fera du bien, je pense, fera du bien à tout le monde, à Johnny en particulier. Et là, autant avant, ça pouvait lui arriver de démarrer avec un peu de retard, un peu, hein, pour être gentil, autant là, il y a un compte à rebours qui était grainé et ça démarre à peu près tous les soirs à l'heure. Et il boit de l'Evian aussi. Et avec Berger, c'est plus la même musique. Donc c'est un très très beau spectacle, avec là aussi un live qui a cartonné, un beau DVD et un choix de répertoire très renouvelé, puisqu'il y aura 7 titres de Berger, 7 titres de Goldman, et Berger va garder 7 titres un peu iconiques de Johnny, dont celui qu'on entend en fond, qui est toute la musique que j'aime, qui est un des temps forts du spectacle, parce que Johnny l'introduit seul à la guitare avec un halo de lumière dessus, l'orchestre de Johnny arrive à un moment, et il va y avoir aussi l'arrivée de cuivre, d'une section de cuivre très importante qui va donner un souffle fantastique au morceau. Alors il y a plusieurs temps forts dans son spectacle, notamment l'envie. L'envie qui est une très belle chanson de disque, mais qui va gagner ses galons sur scène. Exactement, c'est ça. Qui va devenir une chanson absolument incontournable grâce à aux versions live que Johnny va délivrer. Et celle de 87 est magnifique parce qu'il traverse un rideau d'eau. C'est un très bel effet. Voilà, donc il attaque le spectacle, je dirais, plus sobrement que précédemment parce que il se met dans le groupe. Il est au piano, il joue quelques accords à la Jerry Lee Lewis, mais il attaque avec Rock'n'Roll Attitude et ça fonctionne très bien en fait. Et puis c'est le début de l'image aussi. C'est le clip qui arrive, donc l'image devient un support important. Il y a des écrans avec des clips qui sont tournés, notamment sur Que je t'aime, qui accompagnent la mise en scène, et ça devient un élément totalement déterminant des futurs spectacles. Ben oui, Bernard Schmitt, hein, Bernard Schmitt qui fait les clips, qui va après être le metteur en scène de Johnny, qui va succéder à Berger en 90 pour le deuxième Bercy. Mais ce Bercy de 87 a permis à Johnny à la fois de renouveler son public, parce que les titres de Goldman et de Berger ont parlé à d'autres personnes, et donc c'était un monde fou, hein, et c'est 200 000 personnes qui vont aller à Bercy. C'est un grand succès qui est salué par la critique, et à la fin de sa tournée il sera d'ailleurs artiste de l'année au Victoire de la musique pour la prestation à Bercy et puis toute la tournée qui suivra derrière. Donc ce spectacle que j'ai vu aussi 4 fois, je crois, et j'ai eu la chance un soir de me retrouver au troisième rang. Quand tu es au troisième rang à Bercy face à Johnny, c'est très impressionnant. Et les gens qui étaient avec moi, qui étaient des gens du métier dans lequel je travaillais, gens de la pub, ont été absolument fascinés. Et je me souviens d'un truc qui m'avait fait marrer, c'est que derrière moi, il y avait Philippe Gildas. Philippe Gildas, qui est un journaliste qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était extrêmement sympathique, que j'avais bien connu à Canal+. Il n'est pas grand, Philippe Gildas. Il avait un réhausseur. Par contre, Maryse, sa femme, était plus grande que lui. Il y a un moment, tout le monde se met debout. On est debout sur les accoudoirs des fauteuils. Et il était là derrière, il dit, mais ils me font ça à mon âge, mais c'est pas possible. Il voyait rien, le pauvre Philippe. C'était marrant comme tout. Et un type super sympa. C'est un bon souvenir. C'est un moment sympa que j'ai gardé de ce Bercy. Merci. Qui avait été annoncé d'ailleurs par une campagne de pub faite aussi par une agence spécialisée. C'était pas vraiment une agence de pub qui avait créé le concept, et un graphiste qui avait été choisi par Berger pour habiller le spectacle. Affiche sobre, Johnny, ouais. Légèrement de profil. Trois fonds de couleur. Bleu, rose et noir, je crois, ou jaune, je sais plus. Trois fonds de couleur. Je m'en souviens plus de tout. Et puis, le spectacle, je pense que le mot d'ordre, c'est d'abord place à l'interprète. Et c'est d'abord la voix, l'interprète de Johnny qui prend le dessus et qui bluffe tout le monde. Tout le monde se rend compte à ce moment-là, et on s'en est rendu compte avec les albums de Berger Goldman, que Johnny, c'est un chanteur, c'est une bête de scène, mais c'est d'abord un grand interprète, c'est une grande voix. Et cette voix-là, elle est mise vraiment dans un écrin, dans ce Bercy. Et fait des versions magnifiques de chansons comme celles qu'on entend, mais du bon temps du rock'n'roll, de Gabriel, Le Feu, et Laura, et Je te promets, crois pas. Et puis cette version scénique de Aimer Vivre. Aimer Vivre, il se roule, il se roule par terre, enfin, il fait des pompes. Ah oui, c'est l'athlète, là. Et puis, qui renouvelle avec ses confessions également aussi. Ouais. Non, c'est un très, très bon moment. Charnière, important aussi, parce que ça va l'amener vers des projets gigantesques qui vont suivre. On va écouter un second titre de ce Bercy 87 avec le titre Ma gueule. Le titre Ma gueule qu'il avait en fait créé sur scène en 79. Qui était des grands temps forts du Pavillon de Paris et qui était un énorme succès de scène, beaucoup plus que la version studio. Ah oui, et pour ce Bercy, là, les musiciens ont un masque de Johnny sur leur gueule, en fait. Ils ont un masque de Johnny, c'est un bel effet aussi. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as que je prends en mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Mais quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. Oh, t'as rien dit, tu l'as déjà dit. Passer la nuit, ma gueule et moi on est sortis, on cherchait plutôt oui, des amis. Oh la gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? François et moi, nous avons eu une grande discussion. On s'est dit, nous avions prévu pour ce soir près de 40 titres à vous diffuser. Nous en sommes qu'au 15e titre. Nous parlons beaucoup ce soir sur le thème du RIG pour présenter le fameux livre Johnny, ses concerts et sa plus belle histoire d'amour avec la collaboration de Michel Leclerc. avec les photos, de superbes photos que vous pourrez retrouver dans ce livre-là. Pensez aux fêtes de fin d'année. Et puis nous, on va penser à vous. Maintenant, dès maintenant, nous allons penser à vous pour ce tirage au sort. Alors, question, est-ce que je filme, est-ce que je filme pas, est-ce que vous me faites confiance, est-ce que vous nous faites confiance? C'est ma main innocente qui va tirer. Mais oui, c'est ça. Ici, nous avons près de 200 petits papiers. Jean-François va en tirer 3, et puis donc on va annoncer à l'antenne quels sont les vainqueurs, les gagnants, les 3 gagnants pour ce livre, Johnny, ses concerts, sa plus belle histoire d'amour. Jean-François, vas-y. Allez, pioche. C'est parti. C'est parti. 2 et 3. Voilà. Alors j'ai les 3 gagnants. Je commence par. Vas-y, remets bien le micro devant toi. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Alors, premier gagnant, Patrick Tournadre. Patrick Tournadre. Donc il faudra que Patrick nous communique évidemment son adresse. Bien sûr, je communiquerai sur Facebook. Voilà. Donc les gagnants, qui devront. Deuxième gagnant, c'est Régis Carletto. Bien. Régis Carletto. Et le troisième gagnant, c'est Maxime Verbroek. Bravo, bravo, bravo. Des auditeurs de l'émission Johnny de A à Z. Bravo, bravo à vous tous. Vous avez gagné chacun un livre de ce livre-là. Johnny, ses concerts, ses plus belles histoires d'amour de Jean-François Chenu et de Michel Leclerc. Et puis donc, ce sera un très beau cadeau de fin d'année pour vous également. Et puis vous aurez un grand plaisir à lire ce bouquin, à découvrir toutes ces photos inédites. Alors, bravo aux 3 gagnants et merci à tous ceux qui ont joué. Merci à vous tous, qui oui. Ont participé. Et puis on verra, peut-être un de ces jours, on recommencera à faire des petits tirages au sort comme ceci. On verra, on va voir ça. Ouais, je demanderai à mon éditeur s'il est d'accord pour la suite. Eh bien, on verra ça, hein, avec grand plaisir. Écoute, on était donc à Bercy 87, et là, on va plonger donc 3 années plus tard. Donc maintenant, la nouvelle rentrée parisienne de Johnny, c'est Bercy 90, toujours donc dans cette salle, avec à la mise en scène donc Bernard Schmitt, un show que j'ai beaucoup aimé. Alors vraiment, c'est un de mes vraiment mon Bercy, si ce n'est mon Bercy favori, quand même mes 2 Bercy favoris, et le Bercy et le Cadillac Tour, puisque c'est l'album, c'est le Bercy qui s'appuie sur l'album Cadillac, et le Cadillac Tour est pour moi peut-être sa plus belle tournée. Qu'est-ce qui a donné justement il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ce concert-là justement. Pourquoi ce serait un concert? Alors déjà, si tu veux, il y a l'idée de revenir un peu plus à un Johnny rock cuir, voilà. Que Berger avait quand même un petit peu dépouillé d'une certaine façon. Exactement. Et le Bercy mis en scène par Berger, pour la première fois, Johnny terminait par une chanson, une balade. Il terminait par quelque chose de Tennessee. On n'était pas habitué à ça. Il terminait toujours par des folles séquences de rock'n'roll. Donc là, on revient au cuir et c'est un des shows dont tout le début est très rock. Il enchaîne les titres à un rythme. Il n'y a pas cette troisième ou quatrième chanson qui vient souvent ralentir un petit peu. Là, ça s'enchaîne avec Je suis dans la rue, avec Mon petit loup, avec Les Vautours, avec Cadillac, avec On quitte en Coumen. Vraiment, ça bastonne, quoi. Et donc, c'est un concert vraiment avec, je trouve, des effets de mise en scène très réussis. Avec cette chorale sénégalaise, que je dis pas de bêtises, camerounaise, qui vient au moment de la musique que j'aime et puis pour aimer vivre, avec alors 2 créations auxquelles on ne s'attend pas, qui sont des vraiment des moments très forts. Il y a Diego. Diego, une chanson de Berger, mais qu'il n'avait jamais chanté, qui crée sur scène, qui est un énorme succès. Hein. C'est une interprétation, mais qui te met par terre, parce que t'écoutes Diego par d'autres interprètes. Voilà, il y a pas photo. Hein. Et puis surprise du chef, la chanson que Balavoine lui avait écrite en 81, qu'il avait complètement raté dans l'enregistrement studio, je trouve. Je suis pas un héros. Où là, une version absolument décoiffante. Tout à fait. Décoiffante. Et puis il y a eu le retour du medley rock'n'roll. Alors juste pour la dernière. Parce qu'il ne le faisait pas pendant les. Mais le soir de la dernière, il va nous faire un bref petit medley de rock'n'roll avec entre autres Mystery Train. Et oui, et finissant par l'orchestre symphonique juste avant. Et puis, tu as effectivement, comme tu le dis, à la fin de ce spectacle, sa première expérience symphonique, puisque les 2 derniers titres, alors qu'on pense que c'est terminé et tout ça, non, il revient, il se change. Il a un costard noir, une cravate dorée, une chemise noire, et il nous fait Je te promets. Et puis une formidable version de l'envie avec l'orchestre symphonique d'Olivier Holt qui va l'accompagner un peu plus tard, entre autres au Stade de France. Et ça a été une expérience très concluante et très réussie. Donc c'est un spectacle très complet, très dense, très riche, musicalement très fort. qui a, je pense, à la fois séduit la nouvelle génération des gens qui aiment Johnny et des gens plus anciens qui aimaient un Johnny plus rock. Et donc là on trouve les deux. Et c'est pour ça que je pense que le spectacle a beaucoup plu. On va écouter un morceau rock alors. Oui, qu'est-ce que tu nous dis? Je ne suis pas un héros. Je suis pas un héros. Oui. Dommage qu'il l'ait parfait après celle-là. Ouais. On aurait aimé, oui. Ouais. Je dédie cette chanson à Daniel Balavoine. Johnny Bercy, 1990, avec la reprise de Daniel Balavoine, Je ne suis pas un héros. Et puis récemment, Universal a sorti le fameux duo virtuel, on va dire. Oui, avec Johnny et Balavoine. Qui est plutôt d'ailleurs mieux que la version studio. Je sais pas. Bon, je pense qu'il n'avait pas passé beaucoup de temps sur cet album et qu'il avait d'autres préoccupations à l'époque. Parce que séparation et compagnie, donc. C'était pas un grand album. Mais bon. C'était pas la grande joie. Ouais. Mais en tout cas, là, cette version à Bercy, elle l'avait surpris. Et puis comme on dit aujourd'hui, elle envoyait. Ouais. Et donc là, on rentre dans un espèce de tunnel de rendez-vous scénique de Johnny qui est impressionnant parce que ce Bercy, donc, il enchaîne derrière cette tournée, le Radatour, avec des concerts à la Fête de l'Humain, par exemple, qui sont énormes. Et un an après, on le retrouve à Bercy. C'est Bercy 92, avec l'album Ça change pas un homme qui est sorti juste avant, donc qui sert un peu de support à cette rentrée parisienne. Et c'est marrant parce que ce concert, je dirais que c'est presque le Bercy un peu oublié, probablement écrasé parce que juste après, par des princes. Mais oui, on avait les flyers sous nos fesses. Voilà. Et pourtant, toi, donc je te disais, j'ai revu tous les concerts et franchement, il y a des très très beaux moments, comme j'irais dans tous les concerts de Johnny. Et je l'ai revu avec plaisir. Il y a des titres vraiment intéressants. Déjà, alors l'entrée sur scène est toujours soignée. C'est le tour de magie là. Il arrive. Cette cage d'ascenseur. Voilà, dans la cage d'ascenseur. Et puis il démarre avec Voyage au pays des vivants. Ça aussi, c'était une belle surprise. Puis c'est un super titre. Et dans ce concert, il va reprendre des titres comme Pour moi tu es la seule qu'on entend là enfin. C'était alors vraiment là aussi une surprise. On s'y attendait pas du tout. Il reprend Je veux te graver dans ma vie. Aussi avec une version encore plus percutante aussi. Avec des cuivres extraordinaires. Ça, il l'avait pas chanté depuis très très longtemps. Ouais. Hein, Je veux te graver dans ma vie. Il y a un moment que j'ai adoré parce que j'aime beaucoup Luther Allison, que j'ai eu l'occasion de voir et j'ai quasiment tous ses disques. Luther Allison qui fait juste l'intermède entre la première et la deuxième partie, le temps que Johnny aille se changer, mais il l'accompagne pour La guitare fait mal, qui est le titre peut-être que je préfère de l'album Ça change pas un homme. Il y a aussi. C'est mon cas aussi. Ouais, c'est vraiment un bon titre. Ouais. Et puis Trop to You, qui est une version torride avec sa choriste très très réussie sur scène, et la fin qui est magnifique avec le poème sur la 7e symphonie de Beethoven et cette fameuse grappe cette pince géante qui l'emmène dans l'espace. Et alors j'étais à la première. Et c'est vrai qu'on était sorti un tout petit peu frustré parce qu'on avait trouvé cette fin un peu abrupte, un peu sèche. Bon, il disparaît, on le voyait plus. Et je pense que il s'en est rendu compte, ou son entourage lui a dit tu peux pas finir comme ça. Et dès le lendemain, il remettait un medley de rock'n'roll à la fin. Il revenait faire trois titres de rock'n'roll et ça c'était vraiment bien. Et ça, c'est bien. Tu le racontes dans le livre. Ah oui, c'était un beau Bercy avec cette tour. Il y a un côté un peu industriel. C'est un Bercy plus blues, moins flamboyant peut-être que les deux précédents, mais qui a des très beaux moments aussi et qui nous quelque part prépare la suite et qui va être ce rendez-vous mythique, historique du Parc des Princes en 93. Donc on enchaîne la 90 Bercy, la tournée Laurent Datour, 92 Re-Bercy. Ah oui, n'arrête pas. Hein. Et voilà, 93, donc ça va être le Parc des Princes. Donc je sais pas si on en parle tout de suite ou si on entend la fin de la chanson peut-être. Non, je peux zapper sur La guitare fait mal, une petite qu'on avait sélectionnée après. Voilà, mais comme on est un peu pris par le temps, on est malheureusement obligé, on peut pas tout diffuser. Mais écoute, tu peux zapper sur La guitare fait mal. Oh, c'est dommage. Et allez, on se met La guitare fait mal. Allez. Un petit peu, hein. Allez, premier couplet, premier refrain, puis après, voilà. Et puis cette chanson a une histoire, parce que Joe Dassin l'avait. Joe Dassin, en fait, avec d'autres paroles, mais deux guitares dans le live. Joe Dassin qui avait fait une version française et une version française et une version anglaise après. Voilà. Par Tony Joe White. Tony Joe White, sur l'album Ça change pas un homme, joue. Enfin, il joue. Et il était crédité sur le CD, et après, ils ont fait une seconde version de CD où il n'était plus crédité, évidemment. Vous avez tout remis dans le mail. Là, c'est un texte de Rod Agile. Oui. C'est la dernière chanson d'un amour blessé. Il y a la guerre quelque part, loin du café. Comme un amour bizarre, il ne peut jamais rentrer. Tout ça est normal. Et la guitare. C'est une chanson qui lui va très très bien. Oui, oui, et c'est j'ai pas très bien compris d'ailleurs pourquoi après la maison de disques avait sorti un single en mettant en avant la version enregistrée à Toulouse, qui est beaucoup moins bonne, bien moins bonne, oui, que celle de Bercy. Il n'y a pas photo entre les deux. Hein. Et je me souviens très bien que moi je l'avais vu la veille à Bordeaux. J'avais vu la veille et puis déjà j'avais vu que la voix, elle était morte sa voix, ouais, plus de voix du tout. Ouais. Et ils prennent la version de Toulouse du lendemain. Très étonnant, mais bon. J'ai pas compris non plus. Il y a des mystères parfois, on essaiera d'éclaircir peut-être un jour. Mais... Faut pas aller chercher plus loin, je pense. Hein. Mais la version de ce Bercy, elle est excellente. Et ils avaient sorti d'ailleurs le même 45 tours studio, le même 45 tours live, parce que c'était True to You qui était également. En B-side ou pas, ça dépend du 45 tours. La particularité du 45 tours, c'est que donc la face A était en 45 tours et la face B était en 33 tours. Ouais. 33 tours. En format 45 tours. La face B, tu la lisais en 33 tours. Ah bon? Oui. Ah ben, je vais oublier ça. C'était la particularité de ce 45 tours de l'époque. Et c'est un vinyle encore. Et c'est un vinyle, ouais. Oui. C'est la fin du vinyle. Hein. Oui. C'est vraiment la toute fin du vinyle. Parce que 93, plus de vinyle. Plus de vinyle. 93, donc, évidemment, que dire de ce concert qui n'a pas déjà été dit. Les 50 ans de Johnny au Parc des Princes, ça reste, c'est pour moi, c'est un grand souvenir. Le concert. Ah oui. S'il y en a un que je dois retenir, je retiendrai celui-là. J'ai eu la chance de faire les trois. Et on a parlé des entrées en scène, mais celle-là, elle est inoubliable, elle est totalement aussi improbable que d'une efficacité et d'une force incroyable dans sa simplicité. La plus folle. La plus folle, la plus simple et la plus forte. Ouais. C'est quand même exceptionnel. Et d'ailleurs, je crois que le premier soir, à la fin, il a dit qu'est-ce qu'il y a eu cette idée de fou. Et je l'ai fait une fois, je le fais pas deux fois. Et on lui a dit, bah écoute, ça a un tel impact que tu vas le refaire. Mais on va prendre les dispositions qu'il faut pour mieux te conduire et mieux te protéger. Mais enfin, c'était pareil. Il y avait un making-of qui retraçait les trois entrées de chaque soir. Et Le troisième soir, ça a été un peu mieux quand même. Et je me souviens, parce que je m'étais mis là sur la pelouse, je savais qu'il allait rentrer, j'étais allé sur la pelouse. Et je l'ai suivi une partie de sa traversée. Mais ça avait été un tout petit peu mieux. Mais franchement, c'est un truc de fou, quoi, un truc de malade. Et il est extraordinaire parce que t'as vu, il garde son sang-froid tout le temps, il a le sourire. Il y a une espèce de. Et c'est de l'amour que les gens ont pour lui. Et je pense qu'il ne s'est pas cru en danger. Camus, lui, s'est cru vraiment en danger. C'est impressionnant. Mais en tout cas, c'est je crois le concert le plus long de sa carrière. En tout cas, le premier soir, le vendredi, puisqu'il a retiré trois titres, je crois, pour les deux autres soirs. Mais le premier soir, c'est un concert de plus de 3 heures. J'y étais ce premier soir. Ouais, un temps magnifique. Une ambiance de folie, un track listing c'est un vrai best-of. Voilà, tu peux pas faire mieux. Donc il balaye toute sa carrière, des medleys remarquablement élaborés, structurés. Il y en a 4 dans le tour de chant. Des invités qui, alors moi, me comblent de joie parce que c'est évidemment tout ce que j'ai vécu depuis des années. Voir Eddie, Sylvie, sublime, quand elle chante Les Tendres Années, les yeux dans les yeux, vraiment des larmes qui nous montent. Nous viennent. Hein. Ah oui, je me rappelle ce silence de cathédrale qui arrivait dans le stade. David qui reprend la batterie, entre autres sur Hommage au Jolie Sarah. Et puis il y a Paul Personne qui vient jouer de la guitare aussi. Il y a Joey Reco qui est là. Enfin, c'est tout ce qu'on a vécu pendant toutes ces années qu'on retrouve dans ces trois soirées magiques qui ont marqué les esprits, qui ont été évidemment d'énormes succès d'audience à la fois dans le stade mais aussi à la télévision, puisque TF1 a retransmis une synthèse du concert. Les ventes de disques de live ont été colossales. C'est une consécration là. Et Johnny est à un niveau qu'il n'a jamais atteint et il va rester à ce niveau-là encore pendant de nombreuses années. Il a gagné son pari. Et on ne parlait que de ça. Hein. Ça a tout étouffé. Et puis tous les produits qui sont sortis autour de ses 50 ans, c'est vraiment la fameuse guitare, donc l'intégrale guitare que Jean-Yves Billet avait concoctée, 40 CD, 720 et quelques titres, des inédits, enfin un objet magnifique. Mais il y a eu la nuit Canal+, 7 heures d'antenne pour Johnny Hallyday. C'est pour un chanteur. Des magazines Télérama qui sort un spécial Johnny Hallyday. Hors série, magnifique. Télérama. Télérama quand même. même, oui, quand même, raison. Ouais. Non, c'était vraiment un moment inoubliable, inoubliable. Ah oui, c'est vrai, c'est un concert qui m'a vraiment marqué. Pour dire, 79, je l'ai pas vécu, celui-là, 93, je l'ai bien vécu. Avec une jambe dans le plâtre et une petite béquille à la main aussi, c'était amusant. Non. Et donc là, on écoute une de mes chansons préférées d'ailleurs de Johnny, que ce soit en studio ou autre, c'est Ma Jolie Sarah. Et là, David est à la batterie. Et le regard du père sur le fils, il est quand même très fier. Hein. Très très fier. Ah, c'est un duo où ils se regardent, ils se regardent en face de l'autre. C'est toute une époque de leur vie et puis ça rend vraiment bien et c'était un bonheur. C'était un bonheur. Voilà, c'est le concert, c'était une espèce de joie partagée entre ces 50 000 personnes, Johnny, ces musiciens. J'ai eu la chance d'en parler avec Bami assez souvent de ce concert. Mais il m'a dit, tu peux pas savoir ce que les musiciens ressentaient, ils filmaient tout, ils avaient l'impression de vivre un moment unique dans leur vie et je trouve que ça se ressent quand tu les vois, quand tu perces leur regard et tout, tu sens qu'il y a c'est un bonheur partagé et ils sont tous au zénith quoi. Ben, c'est toujours un plaisir de regarder ce concert à chaque fois. Jeune Hallyday, Parc des Princes, 1993. Alors là, une très bonne captation. Hein. Chris Kimsey, encore une fois. Alors au son, Chris Kimsey, puis la vidéo est belle. Enfin, la vidéo oui, est, c'est vrai aussi. Est bien réussi. Alors là, donc 93 Parc des Princes, et après il y a la petite parenthèse. La Cigale. Européenne, on va dire. Oui, en t'entend, oui. La tournée Rough Town, on va dire. Voilà, voilà. Et puis retour à Bercy. Donc la quatrième rentrée de Johnny à Bercy. Dans un Paris où il y a. Un Paris, je parle de la ville, la capitale, où l'ambiance est assez lourde, parce qu'il y a des attentats et tout, donc il y a des contrôles aux abords de Bercy, mais bon, ça ne trouve pas Johnny plus que ça. Et donc c'est aussi un Bercy qui est un marqueur dans sa carrière, parce qu'après le Parc des Princes, toute l'équipe avec laquelle il travaillait, Norbert Krief, Fleury Poitou, s'en va. Et Johnny va renouveler complètement son orchestre et travailler avec des musiciens anglo-américains, et notamment avec Robin Le Mesurier, dont il a fait la connaissance en enregistrant Rough Town, et qui va être le guitariste qui va jouer le plus longtemps avec l'inséparable. Voilà, inséparable. Et donc là, c'est un tout nouvel orchestre qui l'accompagne pour ce Bercy 95. Il y a juste dans les cuivres quelques pointures françaises qu'on adore, comme Michel Gaucher, fidèle des fidèles, notamment avec Eddie Mitchell. Mais ce Bercy 95, alors moi, c'est évidemment, il m'a marqué d'abord parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Johnny avant le démarrage de ses spectacles dans sa loge pour le quotidien pour lequel je travaillais à l'époque, Info Matin, et donc je l'ai interviewé longuement. J'ai passé 45 minutes dans sa loge, et ça a été un grand moment, d'autant plus qu'à la fin il nous a autorisé à assister à une répétition, donc on était une dizaine dans Bercy. C'était quand même très très bien. Et puis c'est la première fois qu'il va faire la fameuse séquence Unplug, qui est une réussite absolue, un des grands moments de ces Bercy. C'est l'époque des shows MTV, donc c'est très à la mode. Et donc il y a une scène qui est conçue avec un arceau en fait qui avance au milieu du public. Ça, c'est une première, ça, déjà. C'est aussi une première. Et d'ailleurs le premier concert que j'ai vu dans ce Bercy, on avait été invité par Joël Devouche, qui s'occupait du fan club. Mm-hmm. Et donc j'étais dans l'arceau. Donc j'ai vu le concert de l'arceau, et c'était bien parce que je savais exactement où il fallait se placer après par rapport au spectacle. Et donc cette séquence Unplug, c'est un des très très grands moments de ces Bercy. Et puis je trouve que c'était un tour de chant qui était intéressant, parce qu'il y avait beaucoup de hits qui avaient été écartés. Mm-hmm. Les titres qu'on avait l'habitude d'entendre, il n'y avait pas que Je t'aime par exemple, et il y avait des chansons de Rough Town, il y avait des chansons de ce merveilleux album qui est Le Rada. Oui. Qui avait eu un gros succès avec des titres très forts, et puis des vieux classiques d'Elvis. Enfin, c'était vraiment un et puis le final très surprenant, puisque Johnny revient sur scène chaque soir avec une chemise en satin de couleurs différentes, son pianiste, pour nous interpréter l'hymne à l'amour de Piaf. Et c'est le début des reprises des grands standards de la chanson française pour finir ses spectacles. Il avait fait Ne me quitte pas, oui, aux élites, mais dans le corps du spectacle. Tout à fait. Là, pour finir ses spectacles, à partir de 95, très souvent, il va interpréter un classique de la chanson française. Donc ça avait été un magnifique Bercy, avec un son nouveau, différent, et une mise en scène très réussie, un Johnny qui pétait la forme. Tous les concerts ont été superbes, et j'ai choisi un morceau de l'album Le Rada, parce que j'adore, puis c'est un morceau, un très bon rock que Johnny a enregistré dans cette année-là. C'est Lady Lucille, hommage à une Lucille qu'on peut définir dans plein de domaines, notamment la guitare de B.B. King. Aussi, voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Hein? On va s'arrêter sur ça. On va s'arrêter sur ça. Donne-moi le cœur emporté, pas forcément sans qui s'écoule. Ou pas si tôt, après être parti, j'ai oublié. Les noms même le meurent. Quand c'était si long d'attendre, j'aurais dû mieux les apprendre. Peut-être encore le temps pour un verre. À quoi ça sert? C'est trop souvent je t'appelle. Si tu te lasses de moi, c'est parfois je suis infidèle. Je n'ai jamais aimé que toi, non. Est-ce que c'est trop? Est-ce que tu me fuis? Est-ce que tu sais tous les jours que je t'ai donné entre la peur et la scène? C'est le moment pour que tu. Oui, sûr. Je compte sur toi. Elle est l'océan. Fais qu'il compte avec moi. Bercy, on Merci. Quitte. C'est le quatrième Bercy de Johnny. Il va y avoir un certain temps avant qu'il revienne chanter à Bercy. Et après, il y a le fameux épisode de Vegas dont je ne parle pas parce que c'est pas l'objet du livre. Le prochain rendez-vous qu'il nous fixe, c'est un défi encore plus grand puisque ça va être le Stade de France. Le Stade de France a été construit pour la Coupe du Monde de football 98, pour le triomphe de l'équipe de Jacquet, Zidane, oui. contre les Brésiliens. Il a été inauguré musicalement par les Rolling Stones. et Johnny va nous faire trois concerts qui vont rester aussi dans l'histoire pour les raisons qu'on connaît, à la fois pour la qualité exceptionnelle de ce spectacle et aussi par évidemment la pluie qui est venue perturber le bon déroulement de ces représentations. Mais bon, ça, tout le monde connaît l'histoire. Oh, oui. En tout cas, c'est des grands concerts. Et c'est un concert qui va lui donner l'occasion de travailler avec quelqu'un de nouveau dans son équipe. Et j'ai eu la chance de passer une heure avec lui aujourd'hui. C'est la première fois que je le rencontrais. C'était dans une autre radio, je peux la citer si tu n'entends pas. C'était Sud Radio qui m'avait proposé donc de venir faire une émission qui sera diffusée le 3 novembre à 20h. Et je suis donc, j'ai fait l'aller-retour à Paris pour être chez toi ce soir et être à Sud Radio ce matin. Et en attendant donc le moment de rentrer sur le plateau, je vois arriver dans l'espace où on attend Yvan Cassar. Et donc on s'est présenté, on a commencé à discuter, mais sans savoir qu'on allait faire en fait l'émission ensemble. Et on a fait une émission donc d'une heure avec lui. Et c'est surtout évidemment lui venait parler à la fois d'Acte 2 et puis de la tournée qu'il prépare. Et puis moi j'ai eu l'occasion de parler du livre bien sûr. Et j'ai découvert quelqu'un d'absolument charmant, très simple, passionnant, très intéressant à écouter. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Il m'a fait très plaisir en me disant qu'il trouvait la couverture du livre formidable et je me suis empressé de lui faire porter à son bureau et donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, mais c'était un moment tout à fait délicieux. On a eu l'occasion d'évoquer donc ce Stade de France qui était sa première collaboration avec Johnny. Oui. Il a raconté dans quelles circonstances Johnny l'avait accueilli avec beaucoup de méfiance et l'avait poussé dans ses retranchements. Il a vraiment fallu qu'il fasse ses preuves. Il les a faites puisqu'ils ont beaucoup travaillé après ensemble. Et il a dirigé musicalement ce show qui est probablement le plus ambitieux de la carrière de Johnny, parce qu'il y avait à la fois bien sûr du rock, du rhythm and blues, il y avait une séquence acoustique et puis il y avait une très grosse séquence symphonique, en grandeur nature, ce qu'il avait essayé à Bercy quelques années auparavant. Mais là, au milieu du spectacle, il y a toute une partie donc de titres symphoniques avec l'orchestre d'Olivier Holt, dirigé encore par Olivier Holt, et évidemment Yvan Cassar qui est au piano, et notamment sur Ce que je sais, qui est quasiment à piano voix. Et donc il a orchestré en fait tout ce tour de chant en travaillant les arrangements. Et c'est ce qu'il expliquait. Il dit que j'étais pas là pour refaire ce qui existait déjà, il fallait que je lui prouve que j'étais capable de faire autre chose de certaines de ses chansons. Et il y a des arrangements, je lui ai dit, je vous le dis pas parce que vous êtes là, mais je le pense sincèrement, que par exemple La fille aux cheveux clairs a été merveilleusement réarrangée et a retrouvé une seconde jeunesse dans ce magnifique concert. Ça a été la grande surprise. Une des grandes surprises. Il y avait La génération perdue aussi, donc qu'on n'avait pas entendu depuis des années. Mais là aussi, il y avait des parties prises dans le tracklisting qui étaient intéressantes. Il y avait des chansons qu'il n'avait jamais chantées. Et puis, puis je sais avec Bruel, il ne l'avait jamais fait sur scène. Donc c'était très différent de c'était différent du Parc des Princes. C'est ça qui était bien, c'est qu'il y avait vraiment une et puis allumer le feu. Parce oui. qu'on en parlait, on en a parlé cet après-midi. Cette chanson, elle avait été conçue pour l'entrée sur scène. C'est devenu, on le savait, c'est, quand on a entendu cette chanson, on savait que c'était une chanson de qui serait un incontournable de cette tout à fait, tout à fait. Et là, en l'occurrence, ça finissait le show avec dans une folie de feux d'artifice, de lumière, etc. Une débauche de feux d'artifice et de lumière. Et c'est terminé merveilleusement le concert. Alors, terminé presque, puisqu'il revenait après finir par son classique de la chanson française, vie, oui. Sur ma vie, d'Aznavour. Mais voilà, c'était un très très beau spectacle avec un décor complètement fou. Une entrée sur scène qui a marqué aussi cette espèce de cette arrivée en hélicoptère, mais qui n'est en fait pas lui, puisqu'il apparaît au cœur du stade par une trappe, mais l'effet est saisissant. Tout à fait, et oui. Dans les écrans, tu t'en rends compte de rien. Et le vrombissement des hélicos dans tes oreilles au Stade de France, c'était quand même très impressionnant. Ça a été un grand spectacle, hein, grand spectacle, avec là aussi triomphe critique, triomphe public, vente d'albums colossal. Johnny, c'est toujours, maintenant c'est toujours plus vite, plus haut, plus fort. C'était l'équipe qui signait comme ça, mais c'est toujours ça. C'est toujours aller plus loin. Et dans le livre, si tu veux, ce que j'ai essayé de raconter, c'est que il s'est remis en question tout le temps. Il a toujours cherché à se renouveler, à proposer à son public, par amour pour son public, des spectacles différents, riches, inventifs, créatifs. Et là, il est inégalable et inégalé. Et on va pas avoir le temps de. On n'aura pas le temps de tout voir, mais on aura l'occasion d'en reparler. On va se retrouver pour une deuxième partie. Exactement. Dans quelques semaines, tout début décembre. Pour mon plus grand plaisir, et voilà. puis aussi pour le plus grand plaisir de nos auditeurs. Pour le vôtre, mais pour reparler de la suite, puisque le Stade de France, c'est pas l'endroit le plus grand finalement. Il va se produire, il va faire encore plus fort après. Voilà, on finit les années 90 et on se retrouvera pour un prochain rendez-vous. On parlera des années 2000 et les années 2010. Absolument, voilà. Cette émission spéciale live et spéciale livre Johnny, ses concerts, sa plus belle histoire d'amour avec Jean-François. On se retrouve pour une prochaine émission. Merci encore Jean-François d'avoir participé à cette émission avec grand plaisir. C'était un plaisir. Merci à toi de ton invitation. Merci aux auditeurs d'avoir joué. Et aux heureux gagnants du livre, ils vont le recevoir. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, nous, on a passé un très très bon moment et on a écouté ces lives avec beaucoup de plaisir. Et puis tu en parles et puis moi, je me remets en tête les images, je revois des images de ce que j'ai vécu, des vidéos que j'ai regardées également. Et vraiment, c'était un grand plaisir de t'écouter à nouveau. Mais écoute, très gentil, merci beaucoup. À très bientôt, Jean-François. Merci encore et merci aussi aux auditeurs et bravo encore aux gagnants qui remportent ce livre Johnny, ses concerts et ses plus belles histoires. Avec donc écrit par Jean-François Chenu et par Michel Leclerc et aux éditions Grund. Voilà, Grund. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.